Chapitre 3e. Madame Borel, remarquant d'autant plus la soucieuse préoccupation de son mari, qu'elle contrastait avec l'habituelle et apparente placidité de son caractère, lui dit « Qu'as-tu donc, mon ami? Tu sembles ce matin très absorbé. Il est vrai. Qui peut t'attrister ainsi? Le souvenir de la pénible scène d'hier au soir, ce malheureux du Bousquet? Cette rencontre inattendue m'a fait mal. Pauvre ami, je le comprends. Ton âme, si loyale et si droite, souffre cruellement de... Ma chère amie, dit M. Borel, interrompant sa femme, il m'est insupportable de penser que chaque jour je serai exposé à rencontrer ici ce misérable. Il n'est pas à présumer qu'après le scandale d'hier au soir, M. Wolfram consente à conserver cet homme parmi ses locataires. Je l'espère, sinon, et il m'en coûtera beaucoup car nous sommes établis à merveille ici, je quitterai cette maison. J'y suis résolu. Tu n'as pas même à craindre cette contrariété. M. Wolfram a trop de tact, trop de justesse d'esprit pour hésiter un moment à donner congé à un repris de justice, surtout en apprenant que le séjour de ce malheureux dans cette demeure t'obligerait à en sortir. Ce M. Wolfram est sans doute un homme du plus grand monde. Il nous a parfaitement accueillis. Il traite les questions de finances et de crédit comme un banquier, mais je le crois fort original. Soit, mais il ne poussera pas l'originalité jusqu'à conserver au nombre de ses locataires un malfaiteur. Qui sait? Comment? Hier au soir, j'ai remarqué qu'au lieu d'appeler ses gens pour faire jeter à la porte ce misérable du Bousquet, il l'a lui-même pris sous le bras et le soutenant l'a conduit dehors avec une compassion visible. Cette compassion, mon ami, prouve en faveur du cœur de M. de Wolfram, et je te l'avoue, ce repris de justice, ainsi de nouveau flétri aux yeux de tous, semblait si cruellement atterré, traînant ses pas défaillants, suivi de ce pauvre chien qui lui léchait les mains, qu'il m'a fait pitié à moi-même. Pitié, d'accord. Je suis loin de demander la mort du pécheur. Mais il y avait plus que de la pitié envers ce coquin dans le procédé de M. Wolfram. Il se pourrait que, par singularité, il ne consentît point à le chasser de Séan. Cela n'est pas probable, mais enfin, en admettant cette bizarrerie de la part de M. Wolfram, serait-ce une raison suffisante pour nous faire abandonner cette maison, où, ainsi que tu le dis, nous nous trouvons établis à merveille? Quoi, ma chère amie, je m'exposerais volontairement à me trouver chaque jour ici, face à face avec ce misérable, y songes-tu? Que t'importe? Que m'importe? Sans doute! Car enfin, si quelqu'un doit redouter une pareille rencontre, c'est ce malheureux et non pas toi, dit Madame Borel en regardant son mari. Celui-ci baisse les yeux, rougit imperceptiblement et répond avec un sourire forcé. « Je ne partage pas ta philosophie. La vue d'un scélérat m'est toujours odieuse, intolérable. Je le conçois, mon ami, mais enfin, l'on peut après tout se résigner, ce me semble, un inconvénient regrettable s'il est compensé par un très grand avantage. Quel avantage? Celui de trouver un appartement confortable. Nous sommes, Dieu merci, assez riches pour trouver partout ailleurs un pareil avantage. » Tu sens bien que s'il ne s'agissait que de cet avantage-là, je n'insisterais pas de la sorte. Que veux-tu dire? Mon ami, notre fils ne nous a donné jusqu'ici que des motifs de satisfaction, n'est-ce pas? Certes, il pourrait être le modèle des jeunes gens de son âge. Mais à quel propos cette question au sujet d'Alexis? À propos de ceci, souvent, en nous félicitant de l'excellente conduite de notre fils, conduite qui doit nous donner tant de garanties, de sécurité pour l'avenir, notre sollicitude, toujours inquiète, se demande pourtant si Alexis, qui n'a encore que 21 ans, traversera sans encombre, sans défaillance, sans orage, ces quelques années ordinairement si critiques pour la plupart des jeunes gens et qui précéderont l'époque à laquelle nous comptons le marier. Tout nous fait espérer jusqu'ici que notre fils continuera de se bien conduire. Certes, mon ami, cette espérance est très fondée. Mais ce n'est point une certitude. Pourquoi ne serait-ce pas pour nous une certitude? Parce qu'Alexis est bien jeune encore, et puis il est si confiant, si ingénu, si expansif. Or, tu le sais mieux que moi, chez un garçon de cet âge, il suffit souvent d'une mauvaise connaissance, ou pour parler net, d'une maîtresse vicieuse, pour ruiner les plus belles espérances d'une famille. Il n'est que trop vrai, mais grâce à Dieu notre fils jusqu'à présent a été préservé des écueils si funestes à tant de jeunes gens, je le sais. En sera-t-il à l'avenir? À combien de dangereuses séductions ne sera-t-il pas exposé? Le fait est que l'on n'ignore pas de quelle fortune nous jouissons. Sans doute, mon ami. Et il est d'indigne et adroite créature qui, par un honteux calcul, pourrait surprendre ce cœur ingénu, le dominer, le fausser, le pervertir. Cela, il est vrai, est possible, mais peu probable. Mais enfin, cela est possible. Souviens-toi du fils aîné de M. Bérard, banquier de Lyon. Ce jeune homme était un détestable sujet, et sa fin a été horrible. Mais il avait d'abord donné à sa famille autant de satisfaction, autant d'espérance que nous en donne Alexis. Ses espérances ont été cruellement déçues. Dès qu'une odieuse créature est parvenue à s'emparer de l'esprit de ce jeune homme, et les conséquences de cette funeste liaison, tu les connais. Oui, il a contrefait la signature de son père pour une somme considérable, et ce faux découvert, il s'est brûlé la cervelle. Eh bien, mon ami, cela ne te fait pas trembler pour notre fils? Quoi? Tu peux supposer que jamais Alexis... Mon ami, tu as souvent vu ce jeune Bérard, n'égalait-il pas notre fils par ses qualités? Il est vrai. Tu vois donc bien. Je suis loin de nier que l'influence d'une mauvaise femme puisse pervertir le meilleur naturel et pousser un jeune homme à sa perte. Mais quel remède à cela en ce qui touche Alexis? Ne pas quitter cette maison en admettant qu'au pis-aller, ce malheureux du Bousquet continue d'y résider. Puis Madame Borel ajoute « Tu me regardes, mon ami, avec ébahissement. En effet, je ne comprends rien à tes paroles. Ton ébahissement va cesser. Dis-moi, que penses-tu de Madame Wolfram ?» Et souriant, Madame Borel reprend « Ma prédiction est en défaut. Ton ébahissement, loin de cesser, augmente énormément. Ce n'est pas sans raison, j'imagine. » Quel rapport peut-il y avoir entre Madame Wolfram et notre fils? Je compte sur elle et mon instinct. Ma pénétration maternelle ne me trompe point, j'en jurerai, oui. Je compte sur cette jeune femme, aussi vertueuse que spirituelle et charmante. Comment? Tu comptes sur elle? Et pour quoi faire? Pour être l'ange gardien d'Alexis jusqu'à l'époque de son mariage. L'ange gardien d'Alexis? Répète le banquier de nouveau ébahi. Madame Wolfram? Alexis est amoureux d'elle. Ah, mon Dieu, est-il possible? Heureusement, c'est possible, puisque cela est. Tu me fais peur, ma chère amie. Je n'ai pas une goutte de sang dans les veines. Et de cette peur, le motif? Quoi? Alexis amoureux de cette grande dame? Eh bien, mais c'est effrayant. Non, c'est excellent. Toi, ma femme, tu dis que c'est excellent. Songe donc, mon ami, qu'un noble et pur amour est la plus sûre des sauvegardes contre de mauvaises liaisons. Est-ce qu'un jeune homme sous l'empire d'une pareille passion s'appartient encore? Non. Devant cette passion, toutes les séductions, même les plus dangereuses, deviennent impuissantes. Il y a du vrai dans ce que tu dis, cependant. Ah, crois-moi, mon ami, rien ne serait plus salutaire pour l'avenir d'Alexis que l'influence qu'une femme belle et vertueuse comme Madame Wolfram prendrait sur lui. Je commence à comprendre ta pensée, ma chère amie, répond M. Borel après réflexion. Sans doute, à ce point de vue, tu as raison. Mais Madame Wolfram n'a aucune espèce de raison pour s'intéresser à notre fils. D'abord, il est amoureux d'elle. Voilà qui est déjà fort intéressant. Est-ce une plaisanterie, cher ami? Pas du tout. J'irai ce matin voir Madame Wolfram et lui parler à ce sujet en toute sincérité maternelle. Je suis sûr qu'elle me comprendra. Tu iras parler à Madame Wolfram à quel sujet? Au sujet de l'amour d'Alexis. Hein? Fit M. Borel reculant d'un pas et regardant sa femme d'un air abasourdi. « Tu iras ce matin chez Madame Wolfram pour... Et mon Dieu, pour lui dire tout bonnement qu'Alexis est passionnément amoureux d'elle. » Le banquier, stupéfait de la résolution de sa femme, garde un moment le silence, ne pouvant croire à ce qu'il entend. Il va reprendre la parole lorsqu'un domestique annonce « Monsieur Dubousquet ».